Bonjour à tous et bienvenue dans Exquise Esquisse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Luc Huvet, président de l'association Monnaie Cuivre. Alors cette association, nous allons la découvrir ensemble. Bonjour Luc. Bonjour Catherine, merci de me recevoir. Avec plaisir. Luc, quel est le but de cette association ? Eh bien, l'objet principal de l'association, c'est une association qui vient en aide pour le maintien à domicile des personnes âgées les plus démunies. Comment vous financez cette association ? Parce que j'imagine qu'il y a besoin de fonds. Ben, cette association vit principalement par des dons. Quelquefois des entreprises qui font des dons un petit peu plus importants que les particuliers, mais chaque don est important pour une association. Oui. Et puis, comme vous le savez, Catherine, l'association aussi, de par mes possibilités, j'organise des concerts. Et par ces concerts, donc nous en parlerons certainement, mais une partie des bénéfices viennent aussi à l'association pour venir en aide aux personnes âgées. Oui, nous parlerons de ces concerts un peu plus tard. Alors, concrètement, je suis une personne âgée, je n'ai pas beaucoup d'argent et j'ai besoin de vivre. Je voudrais rester chez moi. Comment ça se passe ? C'est une bonne question, mais avant tout, m'appeler est une bonne chose. C'est le premier contact. Ensuite, il faut monter un dossier et le dossier passe en comité et puis on se rapproche bien entendu de chaque municipalité, c'est-à-dire que le dossier, on en parle aux mairies. D'accord. Que ce soit un petit village ou la ville d'Amboise, et on étudie cas par cas les dossiers et on prête en fonction de la solvabilité, bien entendu, de la personne qui est en demande. Et si la personne a des enfants, la famille proche, on contacte également la famille, à savoir si la famille peut déjà aider en premier la personne concernée ou s'il n'y a pas d'autres possibilités. Bien entendu, l'association fera ce qu'elle peut pour venir en aide. Mais comme chacun sait, il y a beaucoup d'aide pour les personnes âgées. Donc l'association vient faire le complément quand il manque un petit peu d'argent après les aides des départements, des régions, etc. On prend cette considération, on vient en aide sur la partie manquante des aides. Et donc vous aidez à financer l'amélioration de l'habitat, c'est ça ? C'est surtout l'amélioration de l'habitat. Ben, exemple, si une dame d'un certain âge, je dirais, n'a pas de sanitaire convenable en rez-de-chaussée, si elle a des problèmes pour marcher, c'est souvent le cas pour les personnes vieillissantes, l'association viendra faire tout son possible pour lui mettre en place du sanitaire adapté, et y compris pour tout ce qui touche la cuisine et aussi les aménagements, c'est-à-dire les accès. Mais les accès, tout ce qui frôle les PMR, mobilité réduite, on intervient sur ordonnance médicale. On ne fait rien sans les accords médicaux pour tout ce qui est PMR. D'accord. Ce qui est normal. Oui, oui. Et en plus d'aider les gens à améliorer leur habitat, vous avez aussi un rôle de conseil, je crois. Il y a un rôle de conseil. Et puis, les entreprises qui viennent pour aider ces personnes, parce que, bien entendu, ce n'est pas l'association qui fait les matériaux, donc c'est des entreprises dites labellisées. Donc, si on prend toujours des entreprises qui ont une bonne réputation. Et puis, quelque chose d'important, c'est que l'on se rassure le plus possible en espérant que le bien ne soit pas à vendre quelques mois après avoir fait les travaux. Ah oui, oui, d'accord. Et comment cette idée vous est venue ? Ben, l'idée m'est venue, la possibilité de converser déjà antérieurement. Moi, je suis un ancien professionnel de l'immobilier, donc j'ai une formation bancaire, j'ai fait 15 ans de banque, j'ai fait 30 ans d'agent immobilier, et donc ça marque, ça laisse des traces. Mais je me suis vite aperçu, malheureusement, comme tout agent immobilier qui se respecte, il y a des gens qui n'ont pas envie de vendre leurs biens, et quelquefois, c'est très rare, mais quelquefois, les héritiers disent « vends » et puis essayent d'aller en maison de retraite, il y en a des biens, et puis d'autres bon, il y a les EHPAD, tout cela. Heureusement que ça existe, bien sûr. Mais il y a des personnes, moi, combien de fois on m'a dit, j'ai pas envie de partir, j'ai pas envie de vendre. Et même un locataire, le bailleur qui n'a plus envie de louer, la personne, elle se retrouve quelquefois en difficulté. Donc, bien sûr qu'il y a des mois, les saisons pour quitter les logements, etc. Mais l'idée principale m'est venue du métier que je faisais. Oui, pour permettre aux gens de rester chez eux. Tout à fait. Et alors, Luc, pourquoi monnaie cuivre ? Alors, pourquoi monnaie cuivre ? Ben, il faut savoir, enfin, je suis sûr que Catherine, vous le savez, c'est la première monnaie. Nos Africains, ils faisaient de la monnaie avec du cuivre. Et puis, étant agent immobilier à Paris pendant de nombreuses années, j'ai rencontré bien évidemment la fondation des pièces jaunes, et je ne voulais pas faire d'ombre à qui que ce soit. Donc je suis allé me présenter aux 13 rue de Scipion à Paris, et donc j'ai rencontré quelques personnes de la fondation de Madame Chirac à l'époque, et au contraire, ils ont trouvé cette idée complémentaire, parce que c'est deux associations complètement différentes. Oui, mais qui aident, qui se rejoignent, qui ont été créés pour aider les personnes en difficulté. Voilà. Et alors, donc, on va revenir sur les spectacles, donc, qui vous aident quand même à financer les projets de l'association. Donc, vous avez une licence de spectacle. Oui, c'est une licence qui m'a été attribuée par le ministère de la Culture. Donc, depuis que j'ai cette licence, ben, c'est un plus, parce qu'avant j'avais la possibilité de faire de rencontrer des artistes, etc., et de faire en tant qu'entrepreneur et organisateur dans les statuts de l'association, j'avais possibilité de mettre tout ça en place. Mais la licence me donne un poids supplémentaire, je dirais, c'est que je peux organiser du début à la fin le concert et gérer complètement l'artiste. Donc je deviens en quelque sorte, avec cette licence, le producteur de l'artiste. Oui. Ou si l'artiste est lui-même producteur, on peut faire de la coproduction. Mais ça, c'est les contrats. Oui, voilà, oui. C'est autre chose. Mais ça existe, donc je suis ouvert à tout. Et alors, quels artistes vous produisez ou vous coproduisez ? Eh bien, pour le moment, je fais beaucoup. Il va me dire que je suis prétentieux. Je fais quelques dates avec Jean-Claude Borelli, notre célèbre trompettiste, national et international, parce qu'il a quand même circulé dans 23 pays le monde. Et il est passé à Amboise l'an dernier. Et il est passé à Amboise l'an dernier avec moi-même. Oui. Et comment dirais-je, avec lui, avec Jean-Claude Borelli, je ne fais que sa promotion, c'est-à-dire qu'il s'occupe de tout. Je lui trouve les endroits, bien sûr. J'appelle les diocèses, etc., parce que tous ces concerts sont en église. Je mets tout en place au niveau contrat avec différents endroits. Et lui s'occupe de tout ce qui touche le travail, de son planning, les imprimeries, etc. Et après, je reprends en charge toute sa promotion, c'est-à-dire les radios, la presse, etc. Jusqu'à temps que les concerts soient complets. Donc c'est un gros travail de billetterie également. Oui, j'imagine. C'est un plaisir. Voilà. Et alors, vous produisez d'autres artistes ? Alors, mais je connais un artiste qui est pas loin d'ici, qui est dans le 41. Oui, donc c'est tout près. Voilà. Et lui, je l'appelle Bourville, mais pas que, parce qu'il est trop drôle. Ses concerts sont vraiment... C'est très beau concert. Si je peux, je vais citer son nom. Oui, c'est oui. Pascal Fleury. Donc, si tu entends cette radio prochainement, tu vois, je pense à toi, Pascal. Et puis, à bientôt de te voir pour faire d'autres dates ensemble. Mais tu sais que je viens de passer des moments un petit peu particuliers. Mais maintenant, ça y est, je suis reparti. À bientôt. Et puis, je fais également Polo l'humoriste, qui n'est pas très connu dans la région. Mais c'est un humoriste qui a beaucoup de talent également. Ses concerts marchent très fort. Et je recherche des dates pour notre ami Stone. Alors, à vous tous, des années 65-70, il faut venir la voir, Stone, parce qu'elle aussi, elle a 77 ans maintenant. Donc je cherche vraiment des concerts pour elle et surtout avec son fils Baptiste qui est un ami et que j'ai régulièrement au téléphone. On a déjà des dates à venir, mais je cherche des dates avant l'été et pourquoi pas dans la région d'Amboise. Pourquoi pas ? Il y a des jolies salles dans notre région. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire en plus sur votre association, sur les spectacles ? Alors, l'association des spectacles, je me dois malheureusement de vous dire quelque chose aujourd'hui, c'est que j'avais commencé à prendre contact avec Herbert Léonard et c'est pas pour le plaisir aujourd'hui non. qu'on a appris cette triste nouvelle, mais c'est dommage parce que son manager avait entendu l'association et puis je suis un peu émotif moi, alors ça me touche quand quelqu'un disparaît, surtout qu'il avait un grand talent. Voilà, au revoir Herbert. Si quelqu'un veut vous contacter, a besoin d'aide, comment cette personne peut faire ? Alors, il y a différentes possibilités, bien évidemment. Il y a des gens qui n'ont pas d'adresse mail, mais la famille peut en avoir. Donc, on peut contacter l'association par mail. Le siège, ce n'est pas toujours facile parce qu'il faut bien une adresse quelque part. L'association est basée à Paris 8e, rue de Berry. Donc, c'est en plein centre de ce bel arrondissement, je dirais. Mais les personnes qui me contactent sont souvent en province, souvent dans des villages aussi, plus ou moins isolés. Mais ça peut aussi dans des villes plus ou moins importantes où des personnes sont dans le besoin et donc font appel à l'association ou par courrier ou par téléphone directement. Il y a toujours quelqu'un qui répond à l'association. D'accord. Alors, si c'est par courrier, elles adressent ce courrier où ? À l'adresse du siège social. Donc, c'est Association Monnaie Cuivre, 38 rue de Berry, 75 008 Paris. Par téléphone ? 06 89 34 20 14. Et par mail ? Alors, par mail, contact@monnaie-cuivre.fr. Alors, pour financer aussi, j'ai vu que vous aviez différents projets, et notamment un projet qui s'intitule « Opération Monnaie Cuivre Collecte ». Oui. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, cette action « Opération Monnaie Cuivre Collecte » existe toujours, mais je n'aime pas depuis le... Comment dirais-je, à la création des statuts, j'avais mis ce slogan à sa monnaie cuivre collecte. Donc, mais il existe quelquefois. Par exemple, je peux aller soutenir un match de football. Je vais être sur un terrain de football pour donner cet exemple dans le sport. Et puis, l'association est présente. Et si des gens veulent faire des dons, ils font des dons à l'association sur place, dirons-nous. D'accord. Ça, c'est dans ce sens-là, Monnaie Cuivre Collecte. Mais au départ, dans mon action Monnaie Cuivre Collecte, j'ai fait l'essai. Et j'avais pensé à faire des tirelires. Comme fait les pièces jaunes. Oui. Mais les pièces jaunes ont un point très supérieur, c'est que c'est dans des endroits très précis, et puis aussi, c'est la poste. Que je n'ai pas eu cette possibilité, dirons-nous, avec la poste, et de faire des actions tirelire occasionnellement dans une ville, je me suis vite aperçu qu'il ne fallait pas faire ça. Parce que j'aime pas. Toucher l'argent, j'aime pas. Mais par contre, il m'est venu l'idée qui n'est pas marquée dans mon dossier de presse, mais toute personne qui est en possession de cuivre et qui n'a pas cette petite pièce cuivre à domicile, quelquefois il y en a des beaux petits pots, mais cette pièce cuivre, il faut aller les déposer à la banque, et puis la somme déposée, qui est très vite comptabilisée, les personnes font des dons de la somme versé à la banque des pièces cuivre à l'association, ce qui fait un don. D'accord, mais ça marche bien. Elles doivent en informer la banque, j'imagine. Elles vont à la banque avec leurs pièces, c'est des petits sacs que la banque propose. Et puis, s'il y a une somme collectée, je dirais, je ne sais pas, 15 euros, eh bien, la personne qui a déposé ces 15 euros dit, j'attribue ma somme déposée à l'association Monnaie Cuivre. D'accord. Et dans toutes les banques, ça ? Non, c'est le particulier. C'est la personne qui le fait. Oui, d'accord. C'est pas la banque. Je ne prends pas d'accord avec les d'accord. banques. D'accord. Non, je ne veux pas. J'étais 15 ans banquier, je ne veux pas. Je reste indépendant. Mais merci d'exister quand même, les banquiers. Alors, j'ai lu aussi dans votre site, puisque vous avez quand même fait des recherches et vous avez réfléchi à la question de la vieillesse et de l'évolution, justement, de la population en termes d'âge. Oui. Et j'ai vu qu'en 2060, l'âge moyen passera pour les femmes à 91 ans et pour les hommes à 86 ans. Donc, il est important de se pencher sur le problème, effectivement. Exactement. Et puis, en 2060, actuellement, on doit frôler les statistiques, ça varie tout le temps. Mais on doit être à environ de 2 500 000 personnes actuellement là, à ces âges-là. Mais en 2060, il y en aura, tenez-vous bien, environ 5 400 000. Et sur ces 5 400 000, il y aura peut-être, c'est à souhaiter que non, mais peut-être entre 60 et 75% sous le seuil de la pauvreté. Allô, la régie. Oui, oui, oui. C'est le silence est très révélateur, je trouve. Malheureusement. Oui. Et nous y sommes déjà actuellement, parce que le coût de la vie, etc. Oui. Il y a des gens qui ont du mal à faire 2 repas par jour. Oui. Et le plus dramatique, je n'avais pas pensé, parce qu'on ne peut pas mener 2 associations de front, mais les jeunes étudiants, c'est pareil pour eux. Oui, il y a beaucoup d'étudiants en difficulté financière, oui. Donc, c'est que tous nos politiques dans toute région, j'aimerais bien tous vous rencontrer. Oui, il y a de la réflexion à avoir et du travail à faire, oui. Bien, nous arrivons au terme de cette émission, Luc. Je vous remercie beaucoup. Bien, merci à vous également, Catherine. C'était un plaisir pour moi de venir. Et donc, si vous voulez faire appel à l'association Monnaie Cuivre, vous appelez le 06 89 34 20 14 ou par mail contact@monnaie-cuivre.fr ou par courrier. Ou par courrier à l'adresse donc Association Monnaie Cuivre, 38 rue de Berry, 75 008 Paris. Merci Luc. Merci à vous Catherine. Et pour terminer cette émission, nous ne pouvons pas faire autrement que d'écouter Jean-Claude Borély. Merci beaucoup et puis un petit coucou à Jean-Claude Borély également et puis à très très vite en concert avec lui. Et vous pouvez nous dire où ? Ah oui, mais malheureusement c'est pas en région, ça sera bientôt j'espère, peut-être dans sa tournée d'été dans des villes à proximité d'Amboise, mais les prochains c'est dans Eure-et-Loir. Annette, le 6 avril prochain. Ensuite, le 4 mai, la Bonneville-sur-Iton, à proximité de Évreux. Et le 25 mai, jour de la fête des mères, à Alençon. Merci beaucoup, Luc. Et je vous retrouve bientôt, chers auditeurs, dans un prochain Exquise Esquisse sur Radioactive.